Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le lundi 10 mai 2021, il est 14h presque 02. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Pierre Simonin, directeur de la MFR de Saulxures-sur-Moselotte. Donc bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Parfait. Merci de me recevoir. Avec plaisir. On va commencer tout de suite. Nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors oui, bien sûr. Alors tout d'abord, moi c'est Monsieur Simonin Pierre, le directeur de la maison familiale de Saulxures-sur-Moselotte. Mais si vous le permettez, j'aimerais vous décrire ma rencontre avec les MFR, parce que j'ai un parcours un petit peu atypique finalement. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis directeur de la maison qui m'a formé à mon métier, mon premier métier, restaurateur, cuisinier. D'accord. Donc je vais revenir dessus, comme ça, ça va... Pourquoi pas susciter des envies de venir nous voir. Donc moi, j'ai rencontré les maisons familiales pour ma quatrième et ma troisième. D'accord. Une petite brochure dans la boîte aux lettres de chez mes parents. J'étais en sixième à l'époque. Et j'ai vu cette brochure qui me disait, chez nous, on fait de l'alternance, 50% école, 50% stage. D'accord. Et j'avais ma passion pour la cuisine. Et je me suis dit, faut que j'aille voir qu'est-ce que ça donne, si on peut me dégager... un peu de temps d'école pour aller en cuisine. Bien sûr. Pourquoi pas tenter le coup. Donc c'est comme ça que je me suis rapproché de la maison familiale de Adol à l'époque, lors d'une porte ouverte. Et je me suis inscrit dans une quatrième, troisième de l'enseignement agricole. Et j'ai pu poursuivre ainsi en BEP, hôtellerie-restauration, option cuisine, à la maison familiale de Saulxures. Voilà. Ensuite, j'ai quitté la région. D'accord. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert mon restaurant à Dommartin-lès-Remiremont, l'auberge de la Madelon. Et j'ai embauché un apprenti de la maison familiale de Saulxures et j'ai rejoint le conseil d'administration. Donc pendant un petit temps, j'étais administrateur. Comme toute association, on a un conseil d'administration. Et de là, le directeur de l'époque et la présidente, Madame Claire Dupont, m'ont proposé de rentrer en formation pour devenir directeur de la maison familiale de Saulxures. Et voilà, aujourd'hui, où j'en suis. D'accord. Donc la maison familiale de Saulxures, c'est une association du coup ? C'est ça, c'est une association, voilà. C'est une association de famille, d'où le maison familiale. D'accord, voilà. On y reviendra un petit peu. On y reviendra après, il n'y a pas de problème. Dans cette émission. Donc justement, vous avez un petit peu raconté votre parcours, mais du coup, pouvez-vous présenter plus particulièrement, on va dire, la MFR de Saulxures-sur-Moselotte ? Alors, oui, bien sûr. La maison familiale de Saulxures-sur-Moselotte, donc c'est une association de famille, je l'ai expliqué, qui dispense des formations de la quatrième à la troisième, qui dépend du ministère de l'Agriculture, du CAPASAP vert et des formations dans les filières de l'hôtellerie-restauration qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. C'est une maison familiale où on accueille des jeunes donc de notre territoire. C'est une maison rurale, et proche donc des besoins de cette ruralité justement. Ça veut dire qu'on fonctionne avec un conseil d'administration qui dessine un petit peu les orientations de la maison. Ce conseil d'administration est composé de familles. Et dans ce projet associatif, on va essayer de répondre un maximum aux besoins des professionnels de notre territoire. D'accord. Et de là, on va chercher les jeunes pour former, pour, j'ai envie de dire, injecter dans la vie professionnelle des jeunes formés en maison familiale. Voilà. D'accord. Donc, comme on l'a dit en introduction, vous êtes le directeur de la MFR de Saulxures-sur-Moselotte. Depuis combien de temps vous occupez ce poste ? Eh bien, c'est tout récent. Depuis septembre de cette année, j'occupe le poste de directeur. D'accord. Ah, finalement, pour être un peu plus précis, aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur adjoint. Voilà. D'accord. Et je suis rentré, j'ai pu, grâce justement à la présidente et le directeur qui étaient en poste, bénéficier d'une formation. Donc je suis en parcours de directeur et à partir du mois de septembre, je serai pleinement le directeur de la maison familiale de Saulxures. Voilà. D'accord. Donc vous avez eu un parcours en cuisine, comme vous l'avez raconté. Mais du coup, pourquoi vous êtes-vous orienté vers ce poste de directeur plutôt que de rester, on va dire, en cuisine ? Finalement... c'est une continuité dans ma carrière. D'accord. C'est personnel, mais la cuisine, pour moi, il y a cette force de pouvoir révéler des jeunes et le pouvoir de les former. Et c'est une continuité, c'est une envie de faire plus à une échelle un peu plus grande. C'est ce qui m'a orienté et qui m'a dit, oui, quand on m'a proposé, vas-y, c'est la suite logique de ton parcours professionnel, finalement. D'accord. Voilà. Donc... est-ce que vous savez depuis combien de temps la MFR de Saulxures-sur-Moselotte existe-t-elle ? Oui, depuis 1955. Voilà, donc on est présent déjà depuis un petit moment sur le territoire. En effet. D'accord, ok. Et si vous le savez également, combien de MFR existe-t-il en France et plus particulièrement dans le Grand Est? Est-ce qu'il y a une MFR par région ou est-ce que c'est un peu dispersé par-ci, par-là? Non, il y en a beaucoup plus. Donc pour revenir sur la maison familiale, la maison familiale de Saulxures, elle est gérée par une association qui est autonome, non indépendante. On appartient à un réseau, le réseau des maisons familiales, qui se décompose en plusieurs niveaux. Nous, on est rattaché à la fédération territoriale. Et il y a aussi une fédération régionale Grand Est, et il y a l'Union nationale des maisons familiales, finalement. D'accord. À chaque fois avec un président, un conseil d'administration et des directeurs. Voilà. Donc, nous, sur les Vosges, on fait partie... sur les Vosges, il faut prendre les Vosges et la Haute-Marne, il y a pas moins de 8 maisons familiales et rurales. Voilà. D'accord. Donc, on se réunit aussi en conseil d'administration pour établir les projets, analyser les besoins du territoire, et de même, après... en territorial, où on a des maisons familiales, et après, sur le territoire français, où il y a à peu près 490 MFR sur toute la France. D'accord. Donc, la MFR de Saulxures-sur-Moselle, c'est aussi, donc, du coup, un établissement scolaire. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un campus, ou est-ce qu'il y a un autre terme, on va dire, plus adéquat? Alors, il n'y a pas vraiment de terme. C'est pas un campus, disons. C'est un internat. Donc, l'internat est très présent à la maison familiale parce que, de une, on l'oblige à nos quatrièmes, troisièmes de rester interne. D'accord. Parce que à la maison familiale, on va avoir ce qui va se passer en salle de classe, et il va y avoir tout ce qui est hors de la salle de classe, ce qui s'appelle le temps de vie résidentiel. Donc le matin, le midi et le soir, jusqu'à l'extinction des feux, on va faire des veillées, on va animer tout ce temps de vie résidentiel. Donc non, c'est pas un campus. Il y a un internat, une salle à manger. Il y a une salle à manger, on l'appelle salle à manger, parce qu'on est dans une maison familiale. Les élèves, ils rentrent en même temps dans la salle à manger, ils s'installent, ils mangent et on sort quand tout le monde a fini. D'accord. Voilà pourquoi, c'est ça la différence, on n'a pas de self. Vous voyez, on a une salle à manger. D'accord, ok. Donc, avant d'entrer plus en détail, pouvez-vous présenter rapidement ce que nous pouvons trouver à la MFR de Saulxures-sur-Moselle? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à la maison familiale de Saulxures-sur-Moselle? Déjà, une réponse à nos questions d'orientation, à nos besoins professionnels. Il faut savoir que l'alternance, la formation par alternance, c'est notre cœur de métier. D'accord. Donc nous, ce qu'on peut trouver, vous venez avec un projet professionnel et nous, on va vous orienter vers, alors soit chez nous, si ça concerne notre cœur de formation, ou soit chez les collègues du réseau des MFR, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est ce que vous pouvez trouver à la maison familiale de Saulxures. Une réponse. D'accord. Et donc la MFR de Saulxures-sur-Moselle ou maison familiale et rurale de Saulxures-sur-Moselle, c'est donc un établissement scolaire privé à taille humaine. Ça. Donc quelles sont les classes présentes à la MFR de Saulxures-sur-Moselle? 4e, 3e comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous accueillez également des classes de primaire ou de lycée, voire encore plus loin? Alors, on accueille effectivement des classes de 4e, 3e de l'enseignement agricole. Ensuite, on s'est orienté sur l'hôtellerie-restauration avec le CAP cuisine et le CAP commercialisation et services. Et on ouvre un brevet professionnel aussi, art de la cuisine et art du commercialisation et du service. Et on a aussi un CAP, un CAPASAP vert, CAP agricole, qui là va mettre un pied dans les métiers du service à la personne et de la vente en espace rural. Voilà. D'accord. Et ensuite, on pratique le CAP petite enfance, des formations aussi à la carte, j'ai envie de dire, selon les besoins du territoire. Pour vous citer un exemple, en collaboration étroite avec la mission locale du Pays de Remiremont et notre fédération territoriale, on a développé un parcours, on a réussi à trouver 20 parcours où on a permis à des jeunes éloignés de l'emploi de retrouver une orientation. On est en cours où là ils peuvent de manière alternée par des séquences à la maison familiale et en entreprise pouvoir soit se réinsérer directement dans l'emploi ou soit en formation. Voilà ce qu'on peut aussi trouver à la maison familiale et voilà ce qu'on pratique. D'accord. Voilà, très concrètement. D'accord. Et qui peut intégrer la MFR de Saulxures-sur-Moselle? Quelles sont les conditions requises pour pouvoir intégrer la MFR? Alors, ça dépend de la formation. Sur le CAP Petite Enfance, par exemple, il faut avoir plus de 18 ans. D'accord. Sur la 4e, 3e, il faut avoir plus de 14 ans parce qu'on va en entreprise. Si on a moins de 14 ans, ça devient problématique parce qu'on peut pas aller en stage. Et voilà, l'idée quand même de la maison familiale, c'est d'aller en stage. Voilà, les prérequis sont ceux-là. Surtout, après, c'est ouvert à tout le monde, quoi, finalement. D'accord. Donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, grâce notamment aux différents documents que Madame François m'a envoyés par mail, je suis allé sur le site internet de la MFR de Saulxures-sur-Moselotte et j'ai vu que, au cœur de son activité de formation, je cite, la MFR privilégie la vie en collectivité, notamment par des actions menées lors des temps de vie résidentielle, comme vous en parliez tout à l'heure, favorisant ainsi l'éducation à la citoyenneté. Fin de citation. Donc, quelles sont ces différentes actions menées lors des temps de vie résidentielle? Alors, un exemple très concret, parce que j'aime bien les choses concrètes. D'accord. Dans le temps de vie résidentielle, il y a des temps de veillée. Mmh. Et on a un moniteur, M. Perrin, qui est le moniteur de cuisine. Il a mis en place un menu avec 100% de produits qui étaient destinés à partir à la poubelle, en fait. Donc, l'idée, c'était d'aller récupérer ces produits, alors qu'ils étaient encore propres à la consommation. Il y avait leur qualité organoleptique n'était aucunement altérée, mais ils partaient quand même à la poubelle. Donc on a réussi à créer un menu de l'entrée au dessert avec les jeunes, en leur montrant que en revalorisant nos déchets, on peut quand même faire des choses sympas. Et il faut avoir cet aspect un petit peu débrouillard, un petit peu ouvert pour créer des choses. Ça, voilà, c'est purement ce qu'on peut faire dans un temps de vie résidentiel. Après, on a aussi d'autres aspects de la citoyenneté qui sont abordés à la maison familiale. Par exemple, on développe des notions d'empathie et d'altérité via les sports de combat, les soirs en veillée. On développe aussi énormément sur l'environnement, parce que c'est un enjeu dans les futures années. On ambitionne de former des citoyens responsables, même des éco-citoyens. Donc on s'est rapproché de l'association des Francas des Vosges, où là, durant leur cours, on sort un peu du temps de vie résidentiel, mais j'ai envie d'en parler, parce que c'est l'éducation citoyenne quand même. Durant leur cours, les jeunes, ils fabriquent un local poubelle. Et toute la démarche de tri sélectif sur la maison familiale sont mis au point et fabriqués par nos apprenants, finalement. Donc, de la construction du plan à l'élaboration, au démontage de l'ancien local poubelle, à la reconstruction. Ils font un peu de français quand ils expliquent toute la démarche, ils écrivent les procédures. Et au-delà de ça, on greffe des notions citoyennes sur la nature, combien de temps on va mettre un déchet pour se détériorer dans la nature. Enfin, voilà, on essaye un maximum d'aller chercher et d'éveiller leur conscience citoyenne. Voilà. Il y a vraiment un aspect sensibilisation dans tout ça. Oui, énormément. Oui. Et donc, justement, là, c'est pas dans ma trame, mais c'est une question qui m'est venue en tête comme ça. Du coup, les élèves, les apprenants, comme vous dites, ils sont encadrés, mais est-ce qu'ils ont également des temps d'autonomie ou qu'ils doivent faire quelque chose tout seuls? Il y a toujours, imaginons, le formateur à côté, mais est-ce qu'ils peuvent faire des choses tout seuls? Alors oui, ils peuvent faire des choses tout seuls. Finalement, ils font, j'ai presque envie de dire, ils font tout seuls. D'accord. Nous, on est là que pour les orienter. Le local poubelle, c'est pas les Francas des Vosges qui vont venir le construire, c'est les jeunes de la classe de 3e qui vont construire leur local poubelle pour leur MFR. Ça, c'est une différence. Je vais même vous donner un exemple, parce que j'aime bien reprendre mon expérience. Mm-hmm. Quand j'étais à la maison familiale de Adol, on a construit les douches. D'accord. J'aime autant vous dire que celui qui voulait détériorer les douches que nous avons nous-mêmes construites, il fallait qu'ils se lèvent tôt parce que c'était notre fabrication. C'était estampillé classe de 3e. Et là, c'est pareil avec leur local poubelle. Donc, ils sont en autonomie. Oui, certes, on les accompagne, mais c'est leurs œuvres, finalement. Ils construisent leur parcours. Donc, quelque part, il y a vraiment un attachement envers les créations, comme vous le dites, avec les tout caps de douche. C'est ça. C'est ça. Je vais vous donner, par exemple, le projet de la classe de 3e de l'année prochaine. Ça va être revaloriser et mettre un coup de propre dans leur foyer. Ça va venir d'eux. On va bien sûr mettre en œuvre tout leur projet, mais c'est eux qui vont construire le projet. Nous, on va les aiguiller, on va leur donner une trame, des idées, mais après, c'est eux qui vont faire. C'est dans l'autonomie. Voilà. Ça leur donne, ces notions d'autonomie sont importantes parce qu'on les forme à devenir autonomes pour leur parcours professionnel. Voilà. D'accord. Et en faisant mes recherches, j'ai également vu que la MFR était non seulement un établissement de formation, mais également un lieu de vie pour les jeunes. Donc, cette dimension de lieu de vie pour les jeunes est-elle importante pour vous? Et si oui, pourquoi est-elle importante? Oui, c'est essentiel, je dirais même le lieu de vie. Le lieu de vie, on a confiance en son lieu de vie. D'accord. Pour grandir, il faut avoir confiance. Et à la MFR, on a vocation à vouloir faire grandir nos apprenants. Voilà, donc leur donner ce cocon, ce lieu de vie, véritablement, c'est pour justement qu'ils, eux, prennent confiance dans l'espace qui les accueille, dans l'équipe pédagogique qui les accueille pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est essentiel, effectivement, que le lieu de vie soit adapté aux personnes qu'on reçoit, effectivement. D'accord. Et la MFR dispense une pédagogie particulière, entre guillemets, ainsi que différentes formations basées sur l'alternance. Donc déjà, première question, qu'entendez-vous par particulière? Et deuxième question, j'imagine que, comme on l'a dit, les élèves de la MFR ont des temps de cours en établissement et des temps de travail dans différentes entreprises. C'est ça. Alors, c'est un petit peu plus technique que ça. D'accord. Mais vous l'avez dit finalement dans votre question. Il y a pédagogie et alternance. De l'alternance, aujourd'hui, on en entend parler partout. Avec la nouvelle loi de la liberté de choisir son avenir professionnel, on parle d'apprentissage, il y a une revalorisation formidable. Mais nous, finalement, la pédagogie de l'alternance, on la pratique depuis des décennies en maison familiale. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie de l'alternance? Aujourd'hui, nous, les jeunes, on les prépare à aller dans le monde socio-professionnel. Ils partent avec un plan d'études. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont préparer sur un thème des questions. Par exemple, mon entreprise, on prépare les questions en préparation d'études en cours à la maison familiale et ils partent à l'extérieur dans leur entreprise chez leur maître de stage. Le maître de stage participe à la construction de ce plan d'études où là, les élèves, eux, vont aller chercher les informations sur les questions qui sont posées en classe et quand ils vont revenir à la MFR et qu'ils vont restituer ce qu'ils ont trouvé sur les thèmes sur lesquels ils ont enquêté dans leur entreprise. Je dis dans leur entreprise, demain ça peut être une étude sur leur commune, hein, prendre conscience de tout ce qui les entoure, de tout ce tissu administratif qui est autour d'eux, comment je peux devenir autonome, c'est aussi une prise d'autonomie là. Mais aujourd'hui, voilà, c'est revenir à partir de ce qu'ils ont ramené de leur enquête pour construire justement les cours. Voilà. Aujourd'hui, tu as vu telle chose, le contrat de travail, par exemple, pour un apprenti. Eh bien, en gestion, on va faire le contrat de travail. Bah, tu vois, tu constates que dans ton entreprise, tu as vu que telle personne avait tel contrat de travail. Dans le cours, concrètement, ça veut dire quoi? Voilà. Voilà comment aujourd'hui. Ça, c'est la force de la pédagogie de l'alternance. Voilà, d'accord. C'est partir de leur vécu et pouvoir le retranscrire dans leur cours. Ça les rend d'autant plus intéressants, le cours, finalement, quand on parle du quotidien du jeune. Mmh. Voilà. D'accord, donc du coup les cours et l'alternance, tout est lié. Tout est lié, voilà. Et donc justement, vu qu'il y a ces moments d'alternance et ces moments de cours en établissement scolaire, est-ce qu'on peut comparer du coup la MFR de Solsio-Somozot à un genre de CFA ou pas du tout? Ça dépend quel âge vous avez. Si vous êtes en CAP, oui, on est un CFA, bien sûr, pleinement. Sauf qu'on a notre spécificité. Pour revenir un petit peu sur la pédagogie dispensée en MFR, il faut qu'on aborde cette notion qui pour nous est essentielle, c'est la transversalité du thème. Quand on revient avec un thème qui a été abordé en études, on va le travailler dans toutes les matières, que ce soit en français, en mathématiques, en anglais, dans toutes les matières, on va justement, je vous parlais tout à l'heure du local poubelle, je dis qu'ils l'ont travaillé en français, bah oui, en français, t'as fait quoi? Bah, j'ai construit un local poubelle. Comment? Oui. Si, en français, j'ai construit un local poubelle. Voilà, c'est ça, cette particularité. Donc oui, un CFA, si on veut, un collège un peu particulier pour les 4e, 3e, si on veut aussi, mais finalement, on est une MFR, quoi. D'accord. Donc il va être 14h20. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions Patrick Fiori avec son titre « Les gens qu'on aime ». Pour donner un petit peu les références, comme j'aime le faire, cette chanson est sortie en 2017 et est tirée du 10e album de Patrick Fiori, sorti le 29 septembre 2017, album intitulé « Promesses ». Donc on écoute Patrick Fiori et son titre « Les gens qu'on aime » et on se retrouve juste après, d'ici un petit peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes, et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire c'est prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabada. Ce matin ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes, et tous les mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est important. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, bandabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps, qu'ils changent nos heures amères en poèmes, on devrait tous Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h24 presque. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Patrick Fiori avec son morceau Les gens qu'on aime. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Pierre Simonin, directeur adjoint mais futur directeur de la Maison Familiale Rurale ou MFR de Saussure-sur-Moselle, qui est là pour nous parler justement de cette MFR. Ça va toujours ? Toujours. Parfait. Donc, nos auditrices et nos auditeurs le savent, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Est-ce qu'il y a une raison ? Alors, j'ai mis du temps à envoyer mes musiques que vous m'avez demandé, parce que c'est personnel une musique finalement. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que, à travers des musiques, on peut faire passer un petit message qui va mettre du lien avec la maison familiale. Et ce que j'aime dans cette musique, c'est que ce qui nous explique Patrick Fiori, c'est que il prend les choses en main, il passe à du concret. Voilà, ce matin, j'irai dire aux gens, voilà, ce matin, je me prends en main. Voilà, j'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu, mais finalement, je passe à l'action. Voilà. Mmh. Et ça a du lien finalement avec nous, ce qu'on fait. On met du concret sur des projets. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça sonne bien. Et puis c'était dans ma playlist. Donc, d'accord. Voilà. Ça appelle à passer à l'action, du coup. Tout simplement, voilà. Ok. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Il est 14h25, on a encore pas mal de temps d'émission. Nous le disons depuis le début de cette émission, les lettres MFR signifient maison familiale rurale. Mais comment on va dire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va peut-être pouvoir développer. Comment, on va dire, introduisez-vous ce côté familial dans la MFR ? Alors, de deux façons, je vais vous décliner de deux façons. Déjà, premièrement, bien entendu, le conseil d'administration qui est composé de familles. Voilà. Donc, la première étape de ces administrateurs, c'est qu'ils ont inscrit leur point commun, leur élève à la maison familiale parce qu'ils croyaient aux valeurs que les maisons familiales véhiculent. Et ils ont rejoint le conseil d'administration pour aller plus loin, finalement, pour être acteurs de la formation de leurs jeunes. C'est ça la force et c'est ça la différence. Aujourd'hui, un administrateur, il va dessiner les projets de la maison. Donc on fait des projets associatifs qui voient à peu près sur les 5 prochaines années. Et ce qui est mis dedans, ça vient des administrateurs, ça émane des administrateurs. Et être administrateur en maison familiale, c'est pas anodin, parce que c'est un conseil d'administrateur qui est employeur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis salarié du conseil d'administration. Voilà, je rends des comptes au conseil d'administration et à ma présidente quotidiennement. Ça, après, c'est un échange. Parce qu'il faut savoir que les administrateurs en maison familiale sont très engagés. Aujourd'hui, moi, ma présidente, elle n'a plus sa fille à la maison familiale, mais elle est restée finalement dans le mouvement. Je pense, après, je sais pas, je veux pas me mettre à sa place pour en parler, mais je pense qu'elle s'est reconnue dans ses valeurs. Et ce qu'elle fait, c'est quotidien. Je veux dire, tous les jours, on s'appelle. Ah, j'ai une idée. Tiens, il y a tel projet. J'ai rencontré telle problématique. Comment est-ce qu'on peut avancer dessus? Voilà, ça, voilà, c'est la dimension de famille avant tout. Voilà, on peut le dire, elle gère un petit peu la MFR avec le conseil d'administration de manière familiale. Voilà, ça c'est vraiment le gros mot familial. C'est ce qui dirige aujourd'hui la maison, la MFR de Saulsure. Voilà. D'accord. Et aussi, il y a ce deuxième aspect. Quand on rentre dans le projet d'un jeune, on ne le fait pas tout seul. Bien sûr. Voilà, on le fait avec la famille. On intègre la famille à nos plans de formation. C'est-à-dire qu'il y a des séquences de formation, on va essayer un maximum d'intégrer les familles qui soient eux aussi, malgré ou même s'ils ne rejoignent pas le conseil d'administration, ils sont quand même acteurs de ce parcours de formation de leur apprenant, de leur enfant finalement. Ils nous confient leur enfant. Mais quand on travaille un projet professionnel, on le travaille avec... Et le jeune, je ne dis pas apprenant parce que c'est encore un jeune, quand il arrive chez nous, il n'est pas inscrit, et ses parents. Voilà. D'accord. Et donc nous le disons également un petit peu avant cette pause musicale, la MFR de Saulsure sur Moselle propose une pédagogie basée sur l'alternance, donc qui alterne entre cours en établissement et stage en entreprise. Mais quelles sont, on va peut-être pouvoir développer un petit peu également, les différentes formations que nous pouvons trouver à la MFR de Saulsure sur Moselle? Alors, faut savoir qu'elles sont déjà toutes dispensées par alternance. Voilà. D'accord. Donc la quatrième, troisième. Voilà, on rentre en quatrième, troisième à partir de 14 ans. Ou du moins, il faut avoir 14 ans dans l'année d'inscription avant le 31 décembre. Finalement, si je m'inscris, j'ai 13 ans en septembre. Il faut que j'aie mes 14 ans avant le mois de décembre. La petite difficulté, c'est qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre, les stages s'effectueront soit auprès de la famille, dans un cercle familial très proche, donc chez le papa par exemple, ou soit en mairie, dans une collectivité, quoi. Voilà. Sinon, au-delà, c'est pas possible de partir en stage quand on n'a pas nos 14 ans. C'est les lois du travail qui nous l'interdisent, c'est comme ça. D'accord. Ensuite, on trouve donc le CAP cuisine, le CAP commercialisation et services. Le CAPA SAPVER, donc CAP agricole, service aux personnes et vente en espace rural. Le CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance. Voilà. La SST, on dispense de la SST, hein, la formation sauveteur secouriste du travail. Mmh. Voilà. On fait du parcours VAE aussi, de l'accompagnement VAE. On fait aussi donc toutes ces petites formations à la carte, notamment le prépa apprentissage où là on travaille en partenariat étroit avec l'IME de Saint-Amé pour faire des personnes qui sont inscrites à l'IME, donc qui a un handicap, de l'inclusion dans l'emploi, voilà, qui vont pouvoir leur permettre de faire un retour en formation par la suite. Voilà. D'accord. J'ai également vu sur le site internet de la MFR de Saulsure sur Moselle que, en fonction des différentes formations choisies, vos élèves peuvent être stagiaires et apprentis. Oui. Est-ce que cela veut dire que toutes les formations proposées par la MFR ne peuvent pas accueillir d'apprentis? Alors, il faut faire la distinction entre le statut de stagiaire et le statut d'apprenti. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'en 4e, 3e, on ne peut pas être apprenti. Mm-hmm. Voilà, on est stagiaire. Voilà, c'est l'école qui envoie des jeunes en stage. Ensuite, le CAP, par définition, est un diplôme par apprentissage, le CAP hôtel-restauration. Donc là, on est apprenti. Là, c'est inverse. C'est l'employeur qui nous confie son salarié pour qu'on puisse le former. D'accord. Voilà. Ensuite, dans le CAPA Sapvert, depuis la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel, on peut dispenser cette formation avec les deux statuts. Soit par la formation initiale, donc le statut de stagiaire, voilà, où là on a encore un statut d'écolier avec les vacances scolaires, mais toujours en alternance. Voilà. D'accord. Et le statut de l'apprenti avec les droits et devoirs d'un salarié, les 5 semaines de vacances, mais le salaire à la fin du mois. Voilà, ça c'est les deux différences. Et bien sûr, on est salarié d'une entreprise et on va se faire former à la MFR. Et c'est là vraiment la notion de c'est l'employeur qui nous demande de former son apprenti. On n'est pas tout à fait sur le même statut. Voilà, faut bien faire la distinction. D'accord. Et également, l'équipe de la MFR de Sociaux sur Mozotte ainsi que le maître de stage et ou d'apprentissage sont amenés à solliciter la responsabilité de l'élève en lui faisant confiance et en lui donnant des repères en éveillant sa curiosité. Donc j'imagine que, comme il est indiqué sur le site internet, c'est important pour la MFR de faire confiance à ses élèves. Alors oui, bien sûr que c'est important. Déjà, on les emmène vers l'autonomie, on en parlait tout à l'heure. Donc bien sûr, c'est basé sur la confiance. Mais pour aller plus loin, que nous, on ait confiance en eux, oui. Après, c'est presque des rapports individuels avec l'élève. Mais nous, ce qu'on veut principalement, c'est qu'eux prennent confiance en eux. Donc nous, d'abord, on prend connaissance de l'élève. On voit ses capacités, on a confiance en ses capacités. Nous, notre mission, c'est de faire qu'eux prennent confiance en leurs propres capacités. Si on parle de confiance, c'est plus dans ce sens-là. D'accord. On va travailler la confiance. Après, la confiance d'un maître de stage ou d'un maître d'apprentissage avec son salarié ou son stagiaire, là, nous, on travaille dessus. Et c'est par ces moments d'échange entre l'apprenti et le maître d'apprentissage ou le maître de stage et le stagiaire, où finalement le professionnel va octroyer de la confiance à l'apprenant, là il va grandir, vous voyez, mais ça se construit. Et effectivement, là il place sa confiance envers l'apprenti, envers l'apprenant. Et ça se fait sur le long terme. On a des apprenants qui sont rentrés en troisième, qui sont rentrés en stage dans une entreprise, ils sont en CAP, ils vont poursuivre en BP, ils sont toujours dans la même entreprise. Là, on est sur des relations de confiance, on se connaît en plus, on a cette dimension proche dans l'accompagnement des jeunes où on les connaît, on connaît leur famille, on connaît leurs problématiques aussi, parce qu'on a ce qui s'appelle en maison familiale le tutorat, chaque jeune a un tuteur. D'accord. Et le tuteur qui l'oriente dans les formations, dans ses besoins. Mais bon, c'est vrai que des fois, quand on rencontre des situations et des parcours différents, alors on n'est pas centre éducatif, vous voyez, on n'est pas des éducateurs, hein, on est des moniteurs. Nous, on oriente et on forme. Mais par contre, on sait mettre en relation les professionnels et le jeune quand le besoin quand il est nécessaire de le faire. Je veux dire, ça on sait faire, on identifie parce que on a cette proximité avec les jeunes. Voilà. D'accord. Ça c'est important dans la construction. D'accord. Et justement, quand vous dites solliciter la responsabilité de l'élève en lui faisant confiance et en lui donnant des repères en éveillant sa curiosité, qu'entendez-vous par là? Eh ben, quand je vous disais tout à l'heure le projet des troisièmes de l'année prochaine, ça va être de rénover et de mettre en avant leur nouveau foyer. Et ben là, on est pleinement dedans. Voilà, on va leur donner carte blanche, on va les aiguiller, on va les orienter. Mais après, ce qui va se passer dans le foyer, dans quelle dynamique ils vont mettre dedans, c'est eux qui vont décider. Voilà, ils seront complètement autonomes et on éveillera leur curiosité parce que si on va lui donner une dimension artistique au foyer, je sais pas, on ira peut-être voir une pièce de théâtre, on a un peu d'ouverture culturelle sur le foyer, des choses comme ça, et écrire une chanson, pourquoi pas, on verra ce qui se dessine. D'accord. Donc il est 14h35, avant de nous pencher davantage et de développer un peu plus les différentes formations dispensées par la MFR de Saussure sur Mozotte, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois Dub Inc. avec leur titre Grand Périple. Une nouvelle fois, pour donner les références, cette chanson est sortie en 2016 et est tirée de l'album So What de Dub Inc. C'est plutôt du coup de la dubstep reggae. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau? Ah, on y va, ouais. Parfait. Alors on écoute Dub Inc. et on se retrouve juste après cette chanson d'ici, d'ici un peu moins de 4 minutes. Donc à tout de suite. De retour sur Radio Guémouzo, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Il est 14h40, vous venez d'écouter Dub Inc. avec leur morceau Grand Périple. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Pierre Simonin, directeur de la Maison Familiale Rurale ou MFR de Saulxures-sur-Moselotte, qui est là pour nous parler justement de cette MFR. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Pierre ? Ah, formidable, super. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Y a-t-il là aussi une raison particulière ? Oui, il y a une raison, il y en a même plusieurs. La première, c'est parce que je suis fan de ce groupe depuis que je suis tout jeune. C'est un groupe engagé. En MFR, on est engagé, on s'engage pour l'avenir des jeunes. Puis finalement, encore une fois, quand j'ai réfléchi aux musiques à vous envoyer, je me suis dit, tiens, cette musique, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et nous, on arrive dans des parcours de vie, des fois où on fait tremplin. finalement. Mm-hmm. C'est ça, et on avance ensemble, et on construit ensemble. Et c'est un petit peu ce que je retrouve dans cette chanson, c'est pour ça que j'ai voulu la partager. Voilà. D'accord. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, je vous propose désormais de nous pencher plus en détail sur les différentes formations proposées par la MFR de Saussure-sur-Moselotte. Pouvez-vous nous parler des formations déjà proposées pour les élèves de 4e et de 3e? Alors oui, donc là on est sur de l'alternance, 17 semaines de stage. Alors que ce soit en 4e ou en 3e, l'année-là elle va être divisée en 3 stages. Le premier stage qui va être un stage de découverte, on va s'orienter vers notre première envie, notre premier métier coup de cœur. Là, moi je veux faire de la coiffure, et ben mon premier stage je vais aller en coiffure, je vois ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit projet service à la personne. Je vais profiter du deuxième stage à la MFR pour aller découvrir les métiers du service à la personne. Et le troisième stage, c'est un stage un peu plus pré-professionnel, j'ai envie de dire, surtout en fin de troisième, où là, c'est un stage clé. C'est celui qui prépare l'orientation et la suite. C'est le stage où on va trouver notre maître d'apprentissage et on revient vers ce qui nous a le plus convenu. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, justement, il y a toujours 3 stages, ou est-ce qu'il peut y en avoir parfois moins, parfois davantage? Alors, il peut y en avoir davantage. Il arrive parfois un premier stage, finalement, ça ne me plaît pas. Mm-hmm. Deuxième stage, ça ne me plaît pas non plus. Troisième stage, quatrième stage, on cherche. Voilà. Nous, on va chercher. Tant que le jeune, il n'a pas cherché son stage, enfin, l'apprenant, même, j'ai envie de dire, parce que l'apprenant, en maison familiale, il est inscrit. Tant qu'il n'a pas trouvé son stage, nous, on va l'envoyer dans des entreprises, on va l'aider, on va l'accompagner pour qu'il trouve le métier qu'il va, où il va vouloir s'inscrire en formation l'année qui suit. Voilà. D'accord. Et donc, peu importe le... Oui, sur un parcours de 4e, 3e, c'est quand même 6 stages, déjà, hein, donc c'est 6 filières différentes. Ça fait généralement c'est suffisant. Voilà. D'accord. Donc, chaque stage doit être sur une filière différente? Non, pas forcément. Non. Parfois, comme je vous dis, on a surtout en troisième, ça arrive souvent, un premier stage, on découvre. Deuxième stage, on va découvrir un autre métier. Et on revient sur le premier stage. Et après, on rentre en apprentissage. Donc, on a fait un stage de 5 semaines. On était découvrir une autre structure aussi. Ça peut être dans la même filière, mais dans une autre structure. C'est possible aussi. Hein. Parfois, le feeling, il n'est pas passé avec le maître de stage. Hein. C'est une affaire de personne aussi, hein, quelquefois. Et là, on essaye dans une autre structure pour voir si ça se passe, mieux, différemment, et si le jeune s'y retrouve. Et là, à partir de là, ils restent, et des fois en apprentissage, donc ils font 2-3 ans avec le même maître de stage. D'accord. Et donc, peu importe le domaine choisi, l'emploi du temps est-il toujours régulé sur le même schéma, c'est-à-dire rythmé avec une semaine de stage et une semaine de cours, soit 50% de temps en stage et 50% du temps à la MFR, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres schémas? Non, c'est toujours le... Voilà. Dans les grandes lignes, c'est toujours le même schéma d'emploi du temps sur l'année. Voilà. Oui. Alors d'accord. Parfois, c'est 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Hein, ça va dépendre. Par exemple, pour les troisièmes, quand on approche du DNB, le diplôme national des brevets des collèges, on met plus de sessions à l'école pour rentrer un petit peu dans un temps de révision, tout ça. Mais c'est dans les grandes lignes, c'est 50% école, 50% entreprise. Voilà. D'accord. Et donc justement, ce rythme, comment en avez-vous décidé? En d'autres termes, est-ce que c'est vous qui avez décidé de ce rythme? Ou est-ce que ce rythme est, par exemple, rédigé sur des documents officiels ou autres? Tout à fait. Alors, c'est un contrat avec le ministère de l'Agriculture, peut-être de 1984, ça s'appelle finalement un rythme approprié. D'accord. Il faut savoir que le stage fait partie intégrante de la formation. C'est-à-dire qu'une personne qui pourrait ambitionner de s'inscrire à la maison familiale, venir que sur les semaines d'école et ne pas aller en stage... ça, on ne peut pas le concevoir. Ça fait partie intégrante de la formation. C'est une obligation. Voilà. D'accord. S'il ne va pas en stage, c'est comme s'il ne se rendait pas à l'école. Ah oui, d'accord. Voilà. Si, c'est ça. C'est la clé de voûte du parcours à MFR, le stage, quand même. Donc, il est obligatoire. D'accord. Et maintenant, pouvez-vous nous parler, comme vous en parliez un peu plus tôt, du CAPA SAPVER pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément ce qu'est le CAPA SAPVER? C'est le CAP Agricole Service aux Personnes et vente en espace rural. Alors, c'est le CAPA, le CAPA, CAP agricole. Mm-hmm. Effectivement, service aux personnes et vente en espace rural. Donc, c'est un diplôme J'aime beaucoup ce diplôme parce qu'il est proche de son territoire, finalement. 500 personnes. Voilà, c'est pour les personnes qui se destinent à aller travailler en EHPAD, en crèche. C'est un premier pied dans le monde du service à la personne. On va découvrir les rudiments de ce métier. Et la vente à l'espace rural, c'est, vous savez, les commerces de proximité, ça va être la boulangerie, ça va être aujourd'hui il y a quelque chose qui se développe beaucoup, c'est le commerce à la ferme aussi. Voilà, donc comment est-ce qu'on articule, parce que bien sûr on vend un produit différemment en milieu rural qu'en milieu urbain, enfin je veux dire, c'est spécifique justement et adapté à nos territoires. Voilà, c'est ça, c'est cette force de ce diplôme. D'accord. Maintenant, je vous propose de nous pencher un peu plus sur le CAP AEPE, qui est l'accompagnement éducatif petite enfance. Alors voilà, là, il est destiné à des personnes majeures. Donc c'est un CAP qui est un petit peu à la carte, puisqu'il est modularisé. Donc en fonction des besoins de formation et des personnes, on peut l'adapter. C'est un CAP qui dure 9 mois. Mm-hmm. Voilà. Il est vraiment à la carte. Là, moi, je vous invite, selon vos besoins, donc dedans, on fait de la préparation au concours d'ATSEM. Là, je vous invite vraiment à téléphoner à la maison familiale et selon vos besoins, on va déterminer quel module vous devez intégrer dans ce parcours de formation. Voilà, c'est ça. D'accord. Disponible, soit en apprentissage ou soit en formation continue. Voilà, c'est de la formation adulte, ouais, vraiment. D'accord. Et donc maintenant, le CAP cuisine et service ? Alors, on est dans les bases de l'hôtellerie-restauration, voilà, c'est par là qu'on débute. On a deux choix quand on sort de troisième et qu'on veut commencer le monde de l'hôtellerie-restauration, soit on part en bac pro 3 ans, ou soit on part en CAP par apprentissage. Alors, je ne veux pas faire de comparatif, moi, mon métier aujourd'hui, c'est de former des jeunes en CAP. Ses gros points positifs, c'est qu'il a, déjà, il existe depuis longtemps, ce CAP, et il a un référentiel. Et une obligation de nous faire apprendre à nos jeunes des techniques culinaires, il est assez riche. Aujourd'hui, on va vraiment dans les bases, on va dans ce que recherche l'employeur aujourd'hui. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quand on construit nos CAP en maison familiale, on a un référentiel qui nous est donné, mais on n'utilise pas que ça. On a ce qui s'appelle un conseil de perfectionnement. Un conseil de perfectionnement, donc faut savoir que c'est la loi qui nous oblige à le faire, mais encore une fois, les maisons familiales, elles n'ont pas attendu qu'on nous oblige à faire des choses pour les mettre en place. C'est cette proximité avec les professionnels. Donc que ça soit pour le CAP à Sapvert ou pour le CAP et même le BP, l'hôtel-restauration, après, nous, on se rapproche des professionnels de notre secteur pour leur demander aujourd'hui qu'est-ce que vous constatez, par exemple, n'ayons pas peur des mots, comme lacune dans le référentiel, dans l'apprentissage des jeunes, où il faut qu'on mette l'accent dans l'apprentissage. Et bien là, ils nous disent. Et bien là, par exemple, c'est vrai que on a constaté que les jeunes en cuisine, ils ne savent plus tenir un plan de travail propre. C'est bête, hein, ce que je vous dis, c'est bateau. Hein. Mm-hmm. Et bien nous, on va construire notre plan de formation en fonction de ce que le conseil de perfectionnement nous a fait remonter. Voilà, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'écoute et c'est un travail d'équipe, c'est ça, voilà. D'accord. Et je crois même savoir que dès septembre 2021, donc septembre de cette année, il va y avoir une nouveauté à la MFR de Saussure-sur-Moselotte, l'ouverture du BP Art de la cuisine et BP Art du service et commercialisation en restauration. C'est ça, voilà, donc c'est la suite de parcours du CAP finalement, voilà. Et BP, c'est Bac Pro ? Brevet professionnel. Ah, j'étais pas loin. Voilà. Et donc la MFR de Saussure-sur-Moselotte propose même une formation pour adultes SST pour particuliers ou entreprises. C'est ça, tout à fait, voilà. Donc là, c'est la formation de sauveteurs secouristes au travail. C'est oui aux particuliers, mais généralement c'est les entreprises qui nous sollicitent sur devis selon le nombre de personnes qu'ils ont à former. À partir d'une dizaine, on crée des groupes et on les forme au SST. Voilà. D'accord. Donc justement, là, ma question suivante est complémentaire à la précédente. Oui. La MFR de Saussure-sur-Moselotte propose donc des formations pour les entreprises et non pas que pour les particuliers ? Alors, c'est des particuliers qui sont dans l'entreprise, finalement. D'accord. C'est ça. Mais oui, on va pas. On n'a pas de module d'accompagnement en entreprise, c'est pas ça. On va pas dans une entreprise, on reçoit des salariés d'une entreprise et on les forme au secourisme au travail. Voilà, c'est ça. Mais on forme pas l'entreprise, généralement, c'est individuel. Chacun, après, repart avec son estampille sauveteur secouriste du travail, individuellement. Voilà. D'accord.

Grand Corps Malade, en duo avec Camille Lelouch, avec leur morceau « Mais je t'aime » sur Radio Guémozo. Il est 14h56, vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Pierre Simonin, directeur de la Maison Familiale Rurale ou MFR de Saulxures-sur-Moselotte, qui est là pour nous parler justement de cette MFR. Tout est toujours bon pour vous ? Tout est toujours bon. Parfait. Donc même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi d'écouter cette chanson ? Tout simplement cela, parce que je l'ai écoutée toute la semaine dernière. C'est un petit clin d'œil à Pierre Jacquot et Mélodie Gollet qui ont fait un buzz avec cette musique. Et oui. Où ils font une danse dessus qui a été relayée par justement Camille Lelouch sur Twitter. Donc du coup, moi ça me donnait envie de l'écouter quelques fois. Puis je dis, tiens, c'est l'occasion de l'écouter une fois de plus. Voilà. Mélodie... J'aime bien Grand Corps Malade, donc... Oui. Voilà. Mélodie Gollet, d'ailleurs, que ma collègue Lia devrait bientôt recevoir dans une de ses émissions, il me semble, si je connais bien le programme. Donc, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent visiter la MFR de Saulxures-sur-Moselotte, car si un de leurs enfants est intéressé pour intégrer cette MFR, comment peuvent-ils faire ? Alors, déjà très simplement, en venant nous voir, voilà, il y aura toujours du monde pour les accueillir, du lundi au vendredi. Ou sinon, je vais vous donner un numéro de téléphone, 03 29... 24 60 59. Là, c'est Madame François qui vous répondra, puis on trouvera un rendez-vous, tout simplement. Parce que bon, c'est vrai que cette année, les portes ouvertes ont été un peu chamboulées. Donc, on a dû faire autrement. Sinon, je vous invite à visiter la page Facebook, qui est très dynamique, où vous allez pouvoir retrouver des témoignages de nos apprenants, de nos apprentis, aussi de nos formateurs. Bientôt aussi des témoignages d'apprenants qui ont réussi, qui vont venir retémoigner sur ces vidéos. Et on va les publier sur Facebook. Et c'est assez parlant, je pense. Donc on peut commencer par là. Puis moi, je vous donne rendez-vous et c'est avec plaisir qu'on va établir un parcours de formation pour vos apprenants. D'accord. Et donc, justement, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs sont intéressés ou ont des enfants intéressés pour intégrer la MFR, ils peuvent utiliser ces mêmes moyens de communication pour avoir plus de renseignements ou poser des questions. Tout simplement, ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Tout simplement sur le messenger de la MFR, on peut poser la question, on répond, on est actif. Voilà, comme le dit Facebook, répond généralement dans l'heure. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Une rentrée septembre moins Covidée, ça serait bien. Bah voilà, tout simplement. Voilà. Donc est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter ou pas ? Bah voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout simplement. Donc, merci de l'accueil. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, Pierre Simonin, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer l'émission par mail, si vous voulez la récupérer. Ah, super. Voilà. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard, juste après le générique, à 15h pour Salut les 60, émission dans laquelle il nous parlera de Noël Deschamps, qui a été actif de 1964 à 1969, principalement dans son émission, du coup, Salut les 60, comme je viens de le dire. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artiste, le bureau de l'élite, Nika Liflang, chanteuse, qui sera là pour nous parler de sa carrière, mais aussi de son tout dernier album en date, sorti le vendredi 19 mars 2021, album intitulé Bad Sunday. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.